le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Arrête ton char, les premières fissures du bloc. Lors de la conférence des partis communistes européens, c'était le 22 septembre 1947, Andriy Janov, quel penseur, prononce une phrase destinée à la postérité et au manuel scolaire. Au fur et à mesure que nous nous éloignons de la guerre, deux camps s'affirment. Les États-Unis sont la principale force dirigeante du camp impérialiste. Ce camp est soutenu par l'Angleterre, la France, mais aussi par des États possesseurs de colonies. Les forces anti-impérialistes et anti-fascistes forment l'autre camp, l'URSS, et les pays de la démocratie nouvelle en sont le fondement. Le monde est divisé en deux. Oui, mais chaque bloc, lui aussi, est divisé. Explorons ces fissures. Jacques Rupnik, bonjour. Bonjour. Vous le savez, tout comme moi, il y a de plus en plus de gens qui sont nés après la chute de l'URSS. Il y a de plus en plus de gens qui n'ont pas connu ce monde-là. Il faut peut-être rappeler un peu l'organisation. Nous parlons d'un bloc de l'Est. Il est complexe, ce bloc de l'Est. Il y a l'URSS d'un côté. Alors l'URSS, déjà, c'est une agglomération d'entités politiques. L'URSS, c'est l'ex-empire russe reconverti dans le socialisme, c'est-à-dire les... Le pouvoir soviétique, après la Révolution, a décidé de garder l'Empire, puisque la grande chance des peuples ex-colonisés était d'être libérés par le socialisme. Ils étaient en quelque sorte, ils brûlaient une étape dans leur histoire vers l'émancipation. Et l'argument appliqué à l'Europe de l'Est après la guerre, c'était la libération du fascisme, car quand même, c'est la plus grande conquête militaire en Europe depuis la conquête ottomane. Donc c'est de Berlin à Prague, à Vienne, à Budapest, à Bucarest et à Sofia, vous avez l'armée rouge. Donc au départ, il y a la conquête militaire et ensuite il y a bien sûr la prise de pouvoir par les partis communistes affiliés à ce qui était l'international communiste mais qui est devenu le Cominform. Et Jdanov, le discours que vous avez cité, il est destiné justement au Cominform, au parti communiste, ceux qui sont au pouvoir en Europe de l'Est, mais aussi au parti communiste d'Europe occidentale, dont le parti communiste français, qui a subi à ce moment-là quelques critiques, justement. En 47, on trouvait qu'il n'était pas assez radical, pas assez révolutionnaire. Il fallait, justement, dans le contexte de la lutte des classes internationales, passer à la vitesse supérieure. Donc une union des républiques socialistes soviétiques qui forme l'URSS. Donc c'est l'héritage de cet empire russe. Et puis, mais vous l'avez bien dit, Jacques Rupnik, tous ces États qui sont rattachés, mais pas directement, sont des États indépendants qui font partie du bloc de l'Est. Peut-on dire que les premières fissures de ce bloc apparaissent dès la création même du bloc? Nous parlions de 1947. L'adhésion n'est pas évidente tout de suite. Dès 1953 à Berlin, il y a des contestations. Enfin, dès le début, quoi. On peut dire que la première fissure, c'est 48, quand Tito décide de fausser compagnie. C'est-à-dire, il rompt avec Staline en 48. La Yougoslavie. Et donc, vous avez là le premier hérétique, la première déviation dite immédiatement condamné comme déviation nationaliste, bourgeoise, impérialiste, etc. Et du coup, cela inspire à Moscou une politique de contrôle en Europe de l'Est qui est encore beaucoup plus dure que ce qu'elle n'aurait sans doute été. Parce qu'il y avait là le signe qu'on pouvait s'écarter de la voie soviétique. Et donc, à partir de ce moment-là, vous avez une mainmise totale. Là, vraiment, pendant la période stalinienne, je dirais jusqu'à la mort de Staline, certainement, vous avez une mainmise totale. Justement, on mène partout la chasse aux déviations titistes et à toute idée qu'on pouvait s'écarter du chemin dicté par Moscou. En 1953, la mort de Staline, vous avez utilisé, Jacques Rupnik, ce mot d'hérésie. C'est intéressant parce que cela veut dire que dans les contestations, il n'y a pas la volonté de rompre de manière absolue en faisant le choix d'un modèle capitaliste. C'est réformer, c'est d'autres voies éventuellement. Oui, tout à fait. D'ailleurs, Tito lui-même voulait construire était tout à fait un socialiste, un communiste déterminé. Et toutes les crises qui viendront en Europe de l'Est, surtout en 56, mais c'est vrai aussi pour le printemps de Prague 68, se font au nom de l'idée socialiste. On veut réformer le système socialiste, au moins au départ. Ce qu'on a vu ensuite en Hongrie, c'est que si vous commencez à réformer, et le réformateur hongrois arrive au pouvoir en octobre 56, et on voit que à ce moment-là, on déclenche quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Je crois que la Hongrie donne en raccourci quelque chose qui veut qu'une réforme peut basculer dans une révolution. Mais ce qui fait basculer la réforme dans une révolution, c'est pas forcément la volonté de ceux qui sont au pouvoir à ce moment-là, c'est l'intervention soviétique. Donc je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant, mais il y a une double intervention soviétique en Hongrie. Il y a celle du 24 octobre qui provoque en fait l'accélération, la radicalisation. On passe là de la réforme à la révolution. Ce qui était une réforme du socialisme au départ, bah du coup on veut la démocratie, on veut la neutralité de la Hongrie, puisque l'Autriche l'avait déjà depuis 55. Donc on radicalise la demande, et ça c'est censé justifier la seconde intervention soviétique militaire le 4 novembre. Et là bien sûr, là c'est véritablement le bain de sang de Budapest. Voilà, une lutte armée, une insurrection violente, et 200 000 personnes qui quittent la Hongrie à ce moment-là. Oui, là c'est véritablement on est passé de la réforme à la rupture révolutionnaire. Oui, nous parlons de l'insurrection de Budapest en 1956. Et comme d'un mot, mais vous avez raison de souligner qu'il y a des étapes, hein, pour résumer ce mouvement. Quelques mots ne suffisent pas. Et justement, dans cette réflexion sur toutes ces divisions, Roman Krakowski, bonjour. Bonjour. J'ai presque envie de dire que c'est intrinsèque au régime communiste qu'il y ait des divisions, parce que, mais depuis 1917 et même avant, il y a plein de courants de pensée. Nous parlons d'insurrection, nous avons évoqué Budapest 1956, nous allons parler de Prague 1968. C'est le reflet aussi des divisions de pensée. Oui, absolument. Et puis, comme vient de le dire Jacques Rupnik, le communisme arrive dans la suite de l'armée rouge comme une volonté de mettre sous contrôle les territoires que l'Union soviétique a conquis en libérant l'Europe centrale, et où le communisme peut apparaître comme à la fois une stratégie cicatricielle, c'est-à-dire guérir les blessures des années de guerre, la mise en place d'un État-providence spécifique aux couleurs socialistes, politique sociale, mais également comme une stratégie préventive pour ne plus jamais voir revenir le nazisme. Et je pense que c'est sur ces deux aspects, ces deux paramètres que, en tout cas en Tchécoslovaquie, est scellée une forme d'adhésion, en tout cas au départ, au projet de communisme, qui est une manière de renouveler, d'approfondir la démocratie. Démocratie véritablement populaire, celle qui s'appuie sur le peuple. Et effectivement, comme vous venez de le dire, il y a des différences nationales. Hein. À la sortie de guerre, il y a cette idée que chaque pays devrait marcher vers le communisme selon ses propres recettes, mais garder une forme d'esprit commun. Et puis, à la fin des années 40, il y a un serrage de vis pour uniformiser ces chemins avec la période stalinienne. Et Staline meurt en 1953, nous l'avons évoqué, hein, il y a des émeutes à Berlin à ce moment-là. Et pour la Hongrie, c'est vrai que quelques années plus tard, une voix différente s'élève. Radio Rakoczy libre, 7 novembre, 12h10. Hier, des délégués du commandement soviétique à Kecskemet ou au commandement militaire de la ville. Je lance un appel aux forces de la garnison de Dunapentele pour qu'elles déposent les armes. Tous les officiers, sous-officiers et soldats qui déposent les armes auront la vie sauve et garderont la liberté et leurs droits politiques. Si la garnison ne dépose pas les armes, le commandement soviétique prendra la ville par la force. Voici notre réponse. Dunapentele est la principale ville socialiste de Hongrie. La majorité de ses habitants sont des ouvriers et le pouvoir est entre leurs mains. La population de la ville est armée. Les maisons sont toutes libres en paix avec les soviets tant qu'ils n'interviendront pas dans nos affaires intérieures. Radio Hongrie, le 7 novembre 1956, Jacques Rupnik. Un mouvement de réforme, vous nous l'avez dit, en 1956 en Hongrie, avec l'intervention soviétique. Qu'est-ce qui permet d'ailleurs cette intervention soviétique? Quelle construction, quelle relation entre les pays permet aux chars d'entrer en Hongrie? Déjà, ces pays sont membres du d'un pacte militaire, le pacte de Varsovie, donc il y a une alliance, et il y a cette affiliation politique et sécuritaire très forte. Tous les partis communistes en Europe centrale et orientale sont flanqués d'un appareil de sécurité. Hein, Orwell appelait ça le parti intérieur. Bon, c'est une façon de parler. L'appareil de sécurité qui est très directement contrôlé par les soviétiques. Et ça s'est mis en place dès la fin de la guerre. Ça s'est bien sûr accentué pendant la période stalinienne. Et alors ça a culminé avec les grands procès qui ont bien sûr connu tous ces pays. Il y avait le procès Slansky en Tchécoslovaquie, Arthur London et l'aveu. Ça a donné un grand livre et un film que les Français connaissent. Mais dans chaque pays, il y avait le procès Reich en Hongrie en 49 et Gomulka, le leader polonais, lui aussi victime d'un de ces procès de la période stalinienne. Mais il n'a pas été exécuté. Il a pu en quelque sorte être en réserve de la République et il ressortira en 1956 justement comme un sauveur possible du système au moment où l'édifice stalinien se fissure. Oui, parce que c'est cela, hein, cette réforme est-elle si d'avant-garde, cette réforme de ce monde communisme en Hongrie en 1956 si vous voulez, il y a une interaction, et ça, toute la période qui suivra va accentuer cela, entre le centre et la périphérie de l'Empire. Et vous avez bien sûr les fissures à la périphérie, mais vous avez surtout ce qui se passe au centre. Lorsque Khrushchev, au 20e congrès, dénonce les crimes de Staline. En 1956. On est en février 56. Donc, vous dites que le plus grand génie de l'humanité, celui qui est infaillible, celui qui est un criminel, parce que c'est de ça que parle Khrushchev. Ben, à ce moment-là, vous avez cassé le dogme fondamental de l'infaillibilité du parti. Alors si le plus grand génie, le grand leader, pouvait être un criminel, ben, à ce moment-là, ça demande un devoir d'inventaire, comme on dirait aujourd'hui, et qui permet à ce moment-là d'ouvrir le débat au sein des élites du pouvoir. Et ce que crée donc la période, disons, Khrushchev et toute la question de la déstalinisation, c'est une division au sein des élites du pouvoir. Et si on veut comprendre les processus de réforme, ben c'est ça, c'est la division au sein des élites. Il n'y a plus d'infaillibilité de Moscou. Et vous avez en Europe, dans chaque pays d'Europe centrale, des courants différents. Imre Nagy, en Hongrie, sera l'aile réformatrice contre Rákosi et Guéreux, qui étaient les staliniens. Et dans chaque parti, vous avez l'équivalent, disons, de cette division au sein des élites. Et quand vous avez division des élites, ben, ça introduit un débat. Et du coup, la société peut parfois s'introduire dans cette fissure. Bien justement, nous allons écouter Imre Nagy. Alors j'essaye de le prononcer bien, mais mon hongrois n'est pas parfait. C'est Nagy, hein, N-A-G-Y, lu aujourd'hui dans le cours de l'histoire sur France Culture par Vanda Benes. Ici Imre Nagy, président du Conseil. Aujourd'hui, à l'aube, les troupes soviétiques ont déclenché une attaque contre la capitale avec l'intention évidente de renverser le gouvernement légal de la démocratie hongroise. Nos troupes combattent. Le gouvernement est à son poste. J'en avertis le peuple hongrois et le monde entier. Il y a ici un effet chronologique qui nous intéresse dans cet appel d'Imre Nagy. Donc le 4 novembre 1956, il est 4h20 du matin. Merci Vanda Benes de nous l'avoir lu. Roman Krakowski, 1956, c'est-à-dire que nous sommes 11 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. C'est court, 11 ans, hein. Pour les gens, ils ont dans leur expérience vécu la guerre, vécu avant, vécu une pensée. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un homme comme Imre Nagy propose autre chose qui semble réalisable. Staline vient de mourir, d'autres voies semblent authentiquement possibles. C'est court et c'est extrêmement long. Les années 50, ça peut paraître extrêmement long pour les personnes qui les ont vécues. Oui, effectivement, Imre Nagy propose une démocratie, une véritable démocratie. Et je pense que ce qu'il propose peut résonner dans la tête des Hongrois, comme d'ailleurs le socialisme à visage humain une dizaine d'années plus tard en Tchécoslovaquie, comme une forme de cohérence. avec la période de sortie de guerre où le communisme peut être aussi lu comme une forme d'approfondissement d'une démocratie face à une démocratie libérale qui, dans l'entre-deux-guerres, a prouvé son inefficacité. Et là, amené en tout cas en Europe centrale, une période d'instabilité politique. Et certaines démocraties libérales, la France, l'Angleterre, ont sacrifié, par exemple, la Tchécoslovaquie en 38 à Munich, face à l'Allemagne. Donc, en 1945, lorsqu'on regarde rétrospectivement la période de l'entre-deux-guerres, cette démocratie libérale peut paraître comme délégitimée. Et la proposition communiste de renouveler la démocratie par une véritable démocratie populaire comme une manière de donner un nouveau sens à la démocratie. Et je pense que ce que proposait Imre Nagy et ce que proposera 10 ans plus tard le printemps de Prague, c'est d'aller dans ce sens-là, c'est-à-dire d'aller dans une forme d'approfondissement de la démocratie qui a certes une coloration spécifique dans la région, coloration rouge, mais qui cherche à trouver une forme de réponse à comment assurer une forme de une voie différente, parce que dans ce que vous dites, Roman Krakowski, j'apprécie beaucoup cette comparaison et se replacer dans le contexte, parce ouais. que vous venez de nous dire que c'est vrai que les démocraties libérales d'avant la guerre ne sont pas glorieuses, mais en 1956 c'est la même chose, la France et la guerre d'Algérie, c'est au même moment que les Français et les Britanniques interviennent à Suez, et puis il y a toujours ces empires coloniaux, c'est-à-dire que pour un Hongrois de 1956, cette proposition occidentale ne fait pas complètement rêver. Non, puis ce que propose Imre Nagy, c'est une forme d'égalisation des conditions. La question, c'est est-ce que cette égalisation doit être associée à la liberté, au respect de la liberté. Et ça, c'est toute la question. Je pense que si on relit la période des années 50-60 à l'Est comme une forme de processus de l'apprentissage de la démocratie ou de domestication de la démocratie, aux couleurs rouges, certes, mais domestication quand même, on donne un autre sens à ce dont on est en train de parler aujourd'hui. C'est-à-dire, est-ce que c'est pas juste un épisode de fissuration du bloc de l'Est et printemps de Prague ou 1956, ce n'est pas juste un épisode qui permet la chute du communisme, mais c'est aussi un processus beaucoup plus long de l'apprentissage de la démocratie qui, à un moment donné, a pris une forme différente. Et on y reviendra peut-être au cours de l'émission. Sous cet angle-là, à mon avis, cette période a encore des choses à nous dire aujourd'hui. Oui, parce que Jacques Rupnik, ce regard sur le temps long, sur cette quête de la démocratie, et c'est passionnant d'ailleurs, hein, de voir l'évolution de ces pays, parce que nous focalisons, en l'occurrence là, au moment où nous parlons, sur la Hongrie en 1956, mais sur un temps plus long. Il y a cette recherche de la démocratie. Ici, nous sommes sur une étape, en fait, de cette recherche de la démocratie, mais étape arrêtée brusquement par l'intervention soviétique. Oui, c'est-à-dire que c'est une 56, pour prendre cette date, c'est la réaction à la période stalinienne. Il faut imaginer ce qu'était la période totalitaire dans sa, j'allais dire, dans sa splendeur, c'est-à-dire dans son horreur, c'est-à-dire le contrôle absolu, terreur de masse, mobilisation permanente au nom de l'idéologie dominante, liquidation des adversaires, mais aussi ensuite liquidation, on cherche l'ennemi dans ses propres rangs, au sein du parti, donc les grands procès. Non, c'est une période, c'est un véritable cauchemar. Donc, 56, c'est un moment de décompression, de libération et de recherche. Alors pour certains, c'est est-ce qu'on peut démocratiser le socialisme ? C'est la question qui est posée donc par les réformateurs communistes, par Imre Nagy, Gomulka en Pologne, et plus tard, ça sera la question que Dubček, à sa façon, reposera en 68. Et à ceux qui disent nous voulons rompre avec ce système, et c'est ce qui se passe en Hongrie dans la deuxième phase de la révolution. On passe de la phase réformatrice, après la première intervention de l'armée rouge, à la rupture, à la volonté de rupture. On n'est plus dans la question de la démocratisation, mais on veut la démocratie. Sans pour autant dire on veut passer dans le camp occidental. Ils sont quand même conscients des limites, mais ils choisissent l'option de la neutralité. Ils se sont dit, ça a marché pour les Autrichiens. En 55, l'Autriche obtient le statut de neutralité. Et donc, et les troupes russes et les troupes américaines se retirent d'Autriche. Et ça, pour les Hongrois, hein, c'est juste à côté, l'Autriche-Hongrie. Eh bien, ça, c'était un moment d'inspiration. Peut-être c'est ça, c'était ça leur idée, si on pouvait obtenir le même statut que l'Autriche à ce moment-là. Oui, parce qu'il y a tous ces pays qui sont très proches. Roman Krakowski, vous êtes chargé de cours, vous enseignez à l'Université de Genève et à l'Université de Lille. Vous avez écrit l'Europe centrale et orientale de 1918 à la chute du mur de Berlin et plus récemment le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde. Il y a le point d'interrogation, on pourrait mettre un point d'exclamation aussi. Justement, dans cette comparaison entre les pays, si nous restons en Hongrie en 1956, est-ce que ça a un effet dans les autres pays du bloc de l'Est ? Oui, évidemment, ça a un effet. On a parlé tout à l'heure du contrôle. Je pense que il faudrait qu'on aille un peu plus sur cette piste, parce que les régimes soviétiques ne cherchent pas à étouffer la pluralité. Il peut y avoir des cercles, l'Union de la Genèse, les syndicats, certains partis qui, au sein desquels il peut y avoir un dialogue. Le problème, c'est de ne pas permettre à ce que ces différents groupes puissent communiquer ensemble. Et ce qui s'est passé en Hongrie en 56, c'était justement ça. Souvent, on mentionne ces 16 points des étudiants de l'Université Polytechnique qui résument un peu le programme de la révolution de 56 en Hongrie. Et une des revendications, c'est le retour à la liberté d'expression. Et là, pour le coup, on commence à toucher aux limites du système. Parce qu'à partir du moment où vous autorisez la liberté d'expression dans les médias, dans l'espace public, ces différents groupes d'intérêt, pour le dire simplement, pourraient communiquer ensemble et construire une notion d'intérêt général qui peut concurrencer celle du parti. Et là, ça devient plus complexe. L'enseignement qu'on fait de 56, pour répondre très clairement à votre question, c'est les dirigeants communistes comprennent parfaitement que le monopole du parti communiste est essentiel pour se maintenir au pouvoir. Et donc, toutes les futures réformes des années 50, de la deuxième moitié des années 50 et des années 60 vont être une forme d'exercice d'équilibriste entre la nécessité de relâcher le contrôle et la volonté de le maintenir. Et on le verra au cours du printemps de Prague, ce va-et-vient, on fait des réformes économiques, on revient en arrière, etc. Et c'est cet exercice d'équilibriste qui est à la base d'un nouveau contrat social, amélioration du bien-être en échange d'un complet désintérêt pour la chose publique. Et Kadar, en 1961, le résume de manière formidable, qui n'est pas contre nous, est avec nous, c'est-à-dire le silence égale consentement avec le régime. Des réformes économiques, la liberté d'expression toujours compliquée, sans quoi le régime, l'ensemble peut s'effondrer. Partons en 1968, partons en Tchécoslovaquie, parce que la liberté d'expression passe aussi par la chanson. France Culture, le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. Vrátí lid Nespálil jak květy mráz, jak mráz. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba za Marta Kubičová qui chantait Modliba pro Martu, prière pour Marta, dans le cours de l'histoire sur France Culture, hein, une émission réalisée par Laurence Millier avec aujourd'hui à la technique d'Alia et Hugo Renard. Dites-moi, Jacques Rupnik, ça évoque quoi une chanson pareille en tchèque, une chanson de 1968? Alors c'est une chanson de 68, c'est une très belle chanson de Marta Kubišová qui était à l'époque au sommet de sa gloire, elle était très connue comme chanteuse et elle chante cette chanson très très très émouvante, cette prière puisque c'est son titre, après l'invasion, et donc c'est une chanson que tout le monde a retenu parce que voilà, c'est une chanson qui en même temps fait le deuil de la liberté. Mais un deuil provisoire, puisque la chanson dit « viendra le jour où elle reviendra, le peuple retrouvera cette liberté ». Et c'est la révolution de velours en novembre 89, sur le balcon où il y a Václav Havel qui salue la foule. Marta Kubišová revient 20 ans après et elle chante cette chanson. On n'a pas besoin de la présenter, on n'a pas besoin de dire quel est le titre de la chanson. Tout le monde la connaît et la foule reprend. En chœur, voilà, il y avait 200 000 personnes dans la rue. Voilà, c'était un moment très fort et cette chanson, bien sûr, est connue de tous les Tchèques. Jacques Rupnik, vous êtes historien, directeur de recherche émérite à Sciences Po, ancien conseiller du président Václav Havel. Et vous avez publié « L'autre Europe, crise et fin du communisme ». Cette crise et fin du communisme qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire et au moment de parler de Prague en 1968. Là encore, désir de réforme, désir de changer le communisme sans rompre, c'est pas l'idée de sortir du bloc de l'Est, c'est pas ça. Quel était ce désir de réforme? Alors, il y avait plusieurs choses. Il y avait d'abord l'idée, il ne faut pas répéter le modèle hongrois. Si vous allez vers la rupture révolutionnaire, voire l'insurrection, c'est fini, vous avez les troupes russes. Donc, ce qui prévaut dans cette phase-là, c'est l'idée de la réforme de l'intérieur. L'idée du printemps de Prague, on réforme de l'intérieur. Et il y a une convergence à ce moment-là entre, en gros, trois éléments. La réforme économique, autarchique, l'idée qu'on introduit des mécanismes de marché dans le contexte du socialisme. Il y a une deuxième chose qui est la décentralisation, voire la fédéralisation de l'État, parce qu'il y a les Tchèques et les Slovaques. Il faut une nouvelle formule pour leur cohabitation. Et Dubček est un communiste slovaque et il incarnera donc ce printemps tchécoslovaque à sa façon. Et il y a un troisième élément qui est l'émancipation du monde de la culture. Et oui, donc là, ça, c'est pas seulement 68, c'est toutes les années 60. Vous avez, c'est l'âge d'or de la culture tchèque, la littérature, bien sûr. On connaît Milan Kundera, mais il y a Škvoretský, il y a Hrabal, il y a une douzaine d'auteurs. Il y a le théâtre avec Václav Havel, Topol et d'autres. Il y a le cinéma, la nouvelle vague du cinéma tchèque, Miloš Forman, Passer, toute une. Bref, cette convergence entre l'émancipation de la culture, de l'idéologie, du pouvoir, la décentralisation de l'État et la réforme de l'économie amènent des conditions favorables pour qu'il y ait un changement au sommet. Et le compromis qui est trouvé, c'est un communiste slovaque peu connu, Alexandre Dubček, en qui Moscou a pleine confiance parce qu'il a été élevé en Union soviétique. Ses parents avaient choisi de construire le socialisme en Union soviétique d'entre-deux-guerres. Il a été formé là-bas, il parle parfaitement le russe. Et donc les Russes se disent, c'est notre homme en quelque sorte. Eh bien, une des premières choses que notre homme fera, arrivé au pouvoir le 5 janvier 68, ça sera d'abolir la censure. Et vous imaginez, dans un régime communiste, on en a parlé, abolir la censure, vous ouvrez... Alors, les vannes, vous ouvrez un débat sur tout ce qui s'est passé au cours des 20 années précédentes et surtout sur ce qu'il faut faire maintenant. Donc là, voilà, ça c'est la rupture fondamentale. Vous faites la séparation du parti et de l'État. Hein ? En France, on parle de la séparation de l'Église et de l'État. Eh bien, 68, c'est la séparation du parti et de l'État. Et ça commence par l'abolition de la censure. Effectivement, il se passe quelque chose en Tchécoslovaquie en 1968. En ce mois de juillet, Prague vit dans la fièvre. Les troupes soviétiques en manœuvre ont commencé à évacuer le territoire tchécoslovaque malgré la querelle de famille qui oppose M. Dubček, chef du PC tchécoslovaque, aux dirigeants des partis communistes orthodoxes des autres pays de l'Est. Varsovie, 15 juillet. Les dirigeants des PC soviétiques, polonais, est-allemands, hongrois et bulgares, dans une lettre publiée à l'issue de leur conférence, demandent au parti communiste tchèque de faire un effort pour mettre de l'ordre dans sa maison. L'évacuation des troupes soviétiques en Tchécoslovaquie se poursuit, mais lentement. Prague, 18 juillet. Monsieur Dubček, appuyé par son parti, répond à la lettre de Varsovie. Nous poursuivrons notre politique, mais nous sommes prêts à rencontrer les dirigeants du Parti communiste soviétique pour nous en expliquer. Le départ des troupes russes est sur le point de s'achever. Le journal des actualités françaises, le 24 juillet 1968, la proposition faite à Prague, en Tchécoslovaquie, en 1968, Roman Krakowski, est si inimaginable pour l'URSS, ce n'est pas acceptable que ce pays se réforme. Jusqu'à un certain point, c'est acceptable, et c'est même accepté. À la fin de 67, lorsque Novotny rencontre Brejnev, il lui demande comment régler la crise. Et Brejnev lui dit « Vous vous débrouillez ». Donc il laisse aux Tchécoslovaques de gérer leurs affaires. Mais on parlait tout à l'heure de la volonté de réforme. Je dirais même plus que c'est plutôt un besoin de réforme. La Tchécoslovaquie est en crise économique depuis la fin des années 50. Et pour pouvoir réformer le pays, il faut d'abord pouvoir dire ce qui ne fonctionne pas. D'où le relâchement de la censure et le débat dans la société sur les réformes et par extension, libéralisation culturelle, etc. Et tout l'enjeu, c'est de savoir jusqu'à où cette libéralisation pourra aller. Jeroen l'a dit, progressivement, au cours du... Les choses s'accélèrent très très vite. C'est la mécanique de la liberté qui appelle toujours plus de liberté. C'est la mécanique de la libéralisation. Et... à partir du printemps 68, les choses s'accélèrent en Tchécoslovaquie. Suppression de la censure, on parle du pluralisme politique. Certes, dans le cadre du Front National, c'est-à-dire de cette coalition des partis politiques autorisés avec un rôle dominant du Parti communiste, mais on parle pour le mois de septembre des élections avec des listes libres, les élections à bulletin secret. Donc on se dirige vers une forme de pluralisme et c'est là où en fait, comme en 56 à Budapest, l'Union soviétique dit stop. Stop, on ne peut pas aller au-delà parce qu'on rompt quelque chose de fondamental, c'est le monopole du Parti communiste, son rôle dirigeant dans la société, et là on s'attaque aux fondamentaux du système. Et là, puisqu'on parle, on inaugure cette semaine la semaine sur la chute de l'URSS, je pense que là on touche à quelque chose de fondamental, c'est-à-dire jusqu'à où Moscou est prête à aller pour donner une forme d'autonomie aux pays satellites. Et là, on est au cœur de ce que voulait dire cet empire soviétique et les possibilités de manœuvre pour les uns et pour les autres. Je dirais pour conclure que certes, la liberté appelle toujours plus de liberté, et que pour améliorer des choses, il faut pouvoir dire ce qui ne fonctionne pas et donc, du coup, aller vers une forme de libéralisation. Et à un moment donné, on touche aux limites du système. Oui, parce que c'est ça, hein, Jacques Rupnik, la notion de réforme n'est pas du tout étrangère dans ce bloc de l'Est. Il est possible, d'ailleurs, le monde change sans cesse, il faut des réformes, mais c'est un peu ce que vient de dire Roman Krakowski. Il y a des limites, et ces limites évoluent. En 56, ce ne sont sans doute pas les mêmes qu'en 68. Tout ça est extrêmement fin, en fait, mais perçu de Moscou. Ah oui. Moscou a sa propre définition de la sécurité, et c'est la sécurité pour Moscou, ça signifie le contrôle. Et s'ils ont, et qui est censé exercer le contrôle en Europe de l'Est? Ben les partis communistes au pouvoir. C'est si le parti communiste au pouvoir s'avère défaillant, et vu de Moscou, le parti communiste tchécoslovaque était en pleine défaillance puisqu'il ne contrôlait plus les choses. Et il y a il y a eu plusieurs tentatives de communication, d'explication, où la direction tchécoslovaque essaye de dire aux dirigeants soviétiques, mais ce que nous faisons, c'est pour l'améliorer, le socialisme, c'est pour le réformer. Et ça leur, et il y a cette conversation qui est extraordinaire. Après l'invasion, quand Dubček et sa direction sont pris comme otages, emmené de force en Union soviétique, en attendant qu'on mette au pouvoir un gouvernement dit ouvrier et paysan, ils n'y arrivent pas. Ils n'arrivent pas à trouver le pétain local, ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un qui se charge de cette basse besogne. Eh bien, finalement, on ressort les prisonniers et on leur dit « on va négocier maintenant avec vous ». Et Dubček essaye à nouveau d'expliquer. Mais vous savez, on essayait de rendre le socialisme attractif. Et ça aurait eu un impact dans toute l'Europe. Et Brejnev lui répond, mais personne ne s'intéresse à rendre le socialisme attractif. Les partis communistes occidentaux, ils servent à rien. En gros, c'est ce qu'il lui dit. Ce que nous cherchons ici, c'est de consolider nos conquêtes de la Deuxième Guerre mondiale. Nos soldats ont vaillamment fait des sacrifices. Et vous compromettez cela. Et donc, il y a un dialogue de sourds, l'un qui lui parle de l'idéal socialiste et de son attractivité. Il lui dit même, mais moi, j'ai le soutien de la population tchécoslovaque. Mais ça n'intéresse pas du tout Brejnev parce qu'il dit, vous êtes en train de perdre le contrôle. Vous êtes en train de perdre le contrôle politique. La dynamique vous échappe. Et ça, c'est le débat fondamental. C'est que ce système, à ce moment-là, s'avère irréformable. Pourquoi c'est important, cette leçon de 68 d'un système irréformable, parce qu'il est irréformable à cause du verrou moscovite. Donc c'est Moscou qui est le verrou. Lorsque 20 ans après, Gorbatchev viendra au pouvoir et prendra, en gros, le programme, il va plagier le programme du printemps de Prague. C'est du plagiat. Perestroïka et Glasnost. Perestroïka, c'est la réforme économique. Glasnost, c'est la liberté d'expression. Bon, c'était le programme du printemps de Prague. Donc, 20 ans après, Dubček revendique le copyright sur ce que fait Gorbatchev. Mais évidemment, c'est 20 ans après. 20 ans, c'est long en politique. C'était trop tard. Oui, 20 ans, c'est long en politique. Et c'est toujours très étonnant de voir le destin de ces personnes parce que Dubček, Alexander Dubček, dont on évoque l'action, ce Slovaque en Tchécoslovaquie, dont on évoque l'action en 1968, est toujours vivant au moment de la chute de l'URSS en 1991. Il décède l'année suivante. Il peut donc porter son analyse dès 1989 sur ce qui se passe dans le bloc de l'Est. L'envoi des unités anti-émeutes par le pouvoir intervient alors qu'en Pologne, en Hongrie, mais aussi en URSS, les critiques contre l'intervention soviétique sont de plus en plus nombreuses. Un comble qui ne surprenait pas Alexandre Dubček, celui qui au printemps 68 militait à la tête du PC pour un socialisme à visage humain. La perestroïka, c'est exactement nos grandes idées de 68. Ici, à l'époque, ces idées étaient qualifiées d'antisocialistes. Alors n'attendez pas des dirigeants tchèques qu'ils appliquent aujourd'hui des idées qu'ils ont condamnées il y a 20 ans. Le 21 août 1968, 500 000 soldats soviétiques et des pays frères avaient envahi la Tchécoslovaquie. La tentative de libéralisation du régime était matée dans le sang. Depuis Prague, n'est toujours pas sortie de l'hiver. C'était Alexandre Dubček qui s'exprimait en 1989 dans le journal de 20h d'Antenne 2. C'est toujours très intéressant, c'est exactement ce que vous venez de dire, hein, Jacques Rupnik. C'est-à-dire que la proposition, on va dire, tchécoslovaque de 1968 est reprise bien plus tard, hein, avec Gorbatchev dans les années 1980 au moment de la perestroïka. En 1968, ce n'était pas possible. Mais la question se pose là encore de la diffusion, parce que ce qui s'est passé là a été regardé, observé tout autour, dans tous les pays du bloc de l'Est. Roman Krakowski, c'est ça aussi. Nous avons parlé de Berlin 1953, insurrection, de Budapest 1956, évidemment de Prague 1968. À chaque fois, ça a un effet. Est-ce que ça alimente la volonté de réforme des autres pays? Oui, je pense que le printemps de Prague et surtout son écrasement est un peu la dernière occasion de vérifier que le système soviétique est irréformable, que en relâchant le contrôle, on finit par perdre le contrôle et que le régime ne peut pas se permettre ça. Et donc, qu'à chaque fois où il y a un risque de perdre le contrôle, le pouvoir intervient. C'est la primauté du politique sur tous les autres paramètres économiques ou sociaux qui priment. Et donc, le principal enseignement du printemps de Prague, et qu'on verra aussi dans d'autres pays, Pologne notamment, et plus tard la Hongrie, c'est de se dire... le régime est irréformable. Et donc, plutôt que de vouloir le changer, essayons d'en sortir. Et ça va être la décennie des années 70-80. Une autre logique. Ça change complètement, parce que tout ce que nous avons évoqué pour l'instant, nous sentons une volonté de réforme, de changer ce qui est là, alors que dans les années 70, en Pologne, c'est un choix complètement différent. Les ouvriers font preuve d'une remarquable discipline. Aucun trouble n'apparaît dans la rue. Et à l'intérieur des chantiers navals, l'ordre et la protection des équipements sont parfaitement assurés. Les habitants de Gdańsk apportent à l'entrée des chantiers navals des vivres et des boissons pour les ouvriers poursuivant leur grève d'occupation. Mais, petit détail significatif, la commission ouvrière a interdit toute boisson alcoolisée à l'intérieur des chantiers. À l'heure actuelle, l'accord s'est fait sur un certain nombre de points. Réintégration d'ouvriers licenciés, construction d'un monument à la mémoire des ouvriers tués lors des émeutes de 1970 et hausse de salaire. La négociation se poursuit au sujet de problèmes politiques d'importance nationale, tels la libération des prisonniers politiques et surtout la dissolution des syndicats et leur remplacement par d'autres librement élus. Les conversations qui ont lieu d'aujourd'hui seront décisives. Il sera d'ailleurs difficile de les suivre de Varsovie, les communications téléphoniques avec Gdańsk étant maintenant interrompues. Interactualité, le 16 août 1980, Solidarnosc, et il y a l'évocation des émeutes de 1970, hein, dans ce son. Dites-nous, Jacques Rupnik, aujourd'hui nous connaissons bien sûr la fin, parce que il y a l'effondrement de l'URSS. Est-ce que tous ces éléments, depuis la Hongrie en 56 jusqu'à Solidarnosc en 80, sont explicatifs de la chute de l'URSS? Il n'y a pas une explication directe, parce que évidemment le danger, hein, c'est ce que Bergson appelait l'illusion du déterminisme rétrospectif. Hein. On connaît la fin et donc tout est censé nous mener vers cette fin. Non, ce qui est intéressant, c'est le cheminement. 56, Claude Lefort appelait ça la première révolution antitotalitaire en Europe de l'Est. Et c'est vrai qu'il y avait ce moment révolutionnaire fort. Et la répression terrible. Les Tchèques disent, faut surtout pas faire ça. Il faut réformer de l'intérieur. Pas d'insurrection, pas de révolution. Réforme de l'intérieur. C'est écrasé par les tanks comme à Budapest. Les Polonais, ni insurrection à la hongroise, ni réforme de l'intérieur du parti, parce que quand le parti s'écroule, les Russes interviennent de toute façon. Il faut l'auto-organisation de la société par rapport au pouvoir. Troisième variante, donc, mais qui se termine par le coup d'État du général Jaruzelski, hein, qui agit aux ordres de Moscou. Et donc, nous sommes aujourd'hui même, le 30e anniversaire du coup d'État du général Jaruzelski, et c'est le parti en uniforme. Voilà, en Pologne, un 13 décembre. Ça, c'est plus le parti de la réforme, c'est le parti en uniforme qui est là pour établir l'ordre. Et donc, à ce moment-là, on est dans l'impasse. Et on peut pas dire à ce moment-là, ah, mais ça nous mène directement en 89. Non. Ce qu'il faut, c'est, en Europe centrale et orientale, déclin, décomposition du système. Mais décomposition, on ne sait pas, elle peut durer. Gibbons disait, et cette situation impossible dura pendant 2 siècles. Oui. À propos de la fin de l'Empire romain. Oui, il y a des situations impossibles qui peuvent durer. Donc ça, il y avait le déclin, décomposition. Et donc il faut réformer. Mais il a fallu que quelque chose se passe à Moscou. Et ça, c'était le moment Gorbatchev. C'est-à-dire que lui a voulu non seulement reprendre le programme de 68, ça c'était clair, puisque lui-même était directement inspiré par le programme de 68. Son camarade de l'université était un étudiant tchèque, Zdeněk Mlynář, un ami très proche, grâce auquel il avait, dans les années 60, toutes les informations sur ce qui se passait à Prague. Mlynář, entre-temps, est devenu le principal artisan de la réforme politique en 68 est membre du bureau politique du parti. Et donc, Gorbatchev est un homme du printemps de Prague. Évidemment, il arrive beaucoup trop tard, mais ce qu'il a appris de 68, c'est renoncer à l'usage de la force. Et lorsque dans le système impérial, vous renoncez à l'usage de la force, vous ouvrez toutes sortes de possibilités. Et donc, à la fois, l'acceptation de la réforme, programme de 68, plus la renonciation à la forme, à la violence, vous avez là la possibilité du changement qui se produira en 89. Et je crois qu'à ce moment-là, voilà, si on devait trouver un moment symbolique, en février 89, vous avez l'annonce de la fin de l'engagement soviétique en Afghanistan, retrait d'Afghanistan, renonciation à la force, et le même jour, ouverture de la table ronde en Pologne, le pouvoir contraint de négocier avec Solidarność, avec les gens qu'ils avaient mis en prison 10 ans auparavant. Et ça, c'est le début de la démocratisation qui nous mène à la fin du système communiste en Europe de l'Est en 89. Merci Jacques Rupnik pour cette conclusion. Effectivement, nous parlons de ces moments comme des dates, 56, 68. L'analyse sur le temps long est importante pour comprendre l'écroulement, l'effondrement de l'URSS. Jacques Rupnik, l'autre Europe, crise et fin du communisme. Et merci beaucoup aussi Roman Krakowski, le populisme en Europe centrale et orientale et l'Europe centrale et orientale de 1918 à la chute du mur. Mais il est temps, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec le pourquoi du comment. Louis XIII fut-il victime d'abus sexuels quand il était enfant? Au cours des années 70, une controverse a opposé les historiens à propos de la sexualité des enfants sous l'Ancien Régime. Pour mieux faire comprendre quels furent les enjeux de cette querelle, je partirai d'un document qui a fait l'objet de 2 interprétations radicalement opposées. Il s'agit du journal tenu par Jean Hérouard, le médecin personnel du futur Louis XIII, qui raconte en détail la façon dont ce dernier a été éduqué. Le 21 septembre 1601, Hérouard, ayant assisté à l'accouchement du petit Louis, note dans son journal que « Madame la duchesse de Bar, sœur du roi, ayant jeté sa vue sur les parties du corps qui le faisaient être dauphin, se retournant vers sa dame d'honneur, lui dit qu'il était bien pourvu. » Hérouard ajoute ensuite que la sexualité infantile du dauphin s'éveilla très tôt. Le 24 juillet 1602, Louis n'a alors que 10 mois, Hérouard note « Louis prend plaisir et se rit à plein poumon » quand la remueuse lui branle du bout du doigt sa guillerie. Il précise que le petit dauphin aime exhiber sa guillerie et la fait même baiser aux membres de la cour. Durant l'été 1604, le médecin constate encore que l'on s'excite fort avec la guillerie de Louis. Un matin, dès son réveil, ce bambin, qui n'a pas encore 3 ans, s'écrie « Zézé ma guillerie, fais le pont-levis, lève-la lever, lève-la baisser !» Loin de s'offusquer de ce mot d'enfant, Hérouard en rajoute. Vous n'avez plus de guillerie, dit-il en plaisantant avec le petit Louis qui lui répond gaiement en la soulevant du doigt. Hé, lave-la-t-y pas, lave-la-t-y pas. L'historien Philippe Ariès s'est appuyé sur ce document pour affirmer qu'à cette époque, on pensait que les enfants n'avaient pas de sexualité proprement dite, car les adultes ne se préoccupaient pas de leur conduite, sauf en matière de religion. Cette thèse a été récusée aux États-Unis sous l'impulsion de l'historien Lloyd DeMose, l'un des fondateurs de la psychohistoire, qui s'est appuyé sur la psychanalyse pour mieux comprendre le passé. À ses yeux, le témoignage de Jean Hérouard est la preuve que la haine et l'exploitation sexuelle des enfants est une donnée fondamentale dans l'histoire de la civilisation occidentale. Les membres de la cour qui s'amusaient avec la guillerie du petit Louis commettaient, selon lui, des abus sexuels, prolongeant ainsi une histoire qui avait débuté dans l'Antiquité avec la pédérastie des Grecs. Cette controverse pose une question beaucoup plus générale concernant les jugements de valeur qui sous-tendent le travail des historiens. Peut-on appliquer aux hommes d'autrefois les règles morales qui existent dans nos sociétés actuelles? Le philosophe canadien Ian Hacking aborde ce problème dans son livre « L'âme réécrite, étude sur la personnalité multiple et les sciences de la mémoire ». Il pense, lui aussi, que nos sociétés ont toujours été confrontées aux abus d'enfants, mais il se montre beaucoup plus prudent que Lloyd DeMose en ce qui concerne les temps anciens. Peut-on condamner a posteriori des comportements qui n'étaient pas jugés répréhensibles dans les époques où la notion d'enfant n'existait pas en tant que telle et encore moins l'idée d'abus, demande-t-il. À travers cette question, c'est tout le problème de l'intentionnalité de nos actes qui est finalement posé et il ne concerne pas que les historiens. Effectivement, merci beaucoup Gérard Noiriel. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission préparée par Marion Dupont, Toscane Vudèche, Jeanne Delecroix, Anna Grimbach et Sophie-Catherine Gallet. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter, à podcaster sur notre site franceculture.fr et l'appli Radio France.